Cependant, par moments, sur la noire falaise, d'où l'on voit l'inconnu sans bornes et les roulis du firmament tordant les astres dans ses plis, sommet d'où l'on entend Dieu tourner son registre et d'où l'on aperçoit le modèle sinistre des mondes ignorés, des vagues univers, l'un pour l'autre effrayant, parce qu'ils sont divers. Fait où les visions se confrontent entre elles, où les réalités, pour nous surnaturelles, semblent avoir parfois la figure du mal. Du haut de cette cime, appelée idéal, par instant, un chercheur fait l'annonce sacrée et dit « La vérité qui guide, échauffe et crée, haute lueur par qui l'âme s'épanouit, vivant, va revenir bientôt dans votre nuit. Attendez-la, soyez prêts à la voir paraître. »